chose qui ne s'achète pas en mots. Tout ce que les années nous volent, rien ni personne ne nous le rendra. Serai de taille, donne-moi la main qu'on n'arrête que toi. Puis juste un instant, que toi et moi. C'est peut-être maintenant que s'écrit notre histoire. Puis juste un instant, danse avec moi. Avant que la vie nous file entre les doigts, je veux t'entendre chanter. Histoire.